لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، on arrive au point 116 de ce livre qui s'appelle شرح السنة de l'imam al-Barbahari رحمه الله تعالى، décédé en 329 de l'Hégire، avec les commentaires de Dr. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. ما عنديش ترجمة. أبيت؟ كتاب هذا سلمان. إيه الزملاء. تردي. Prends garde de t'intéresser à al-kalam et t'asseoir avec ses adeptes. Attache-toi plutôt aux textes et leurs adeptes. Ce sont eux que tu dois interroger, avec eux que tu dois t'asseoir et d'eux que tu dois prendre. Qawluhu wa iyyaka wa nadhara fil kalam. Donc il dit quoi? Prends garde. Prends garde de t'intéresser à al-kalam. Naam. Yajib al-amal bil kitab wa sunnah wa ma alayhi as-salaf as-salih min al-i'tiqad wa al-amal wa as-suluk. Donc il dit il est obligatoire de prendre en considération les actes, d'appliquer ce qu'il y a dans le Coran, dans la Sunna, et ce sur quoi sont les pieux prédécesseurs, aussi bien dans la conviction, dans l'application, que dans le comportement et comment agir. هذا هو المنهج السليم ومن ترك منهج السلف الصالح في الاعتقاد وفي غيره وذهب مع علماء الكلام الذين يثبتون العقائد بقواعد المنطق وعلم الكلام والجدل والمقدمات والنتائج يسمونها براهين عقلية. Donc il dit, celui qui délaisse la voie des prédécesseurs, aussi bien dans la conviction que dans autre, et qui part, yani il prend les règles qui ont été établies par les ulama al-kalam. Comment ils ont traduit ulama al-kalam? Ils ont laissé comme ça al-kalam. Ulama al-kalam, c'est ceux qui ont voulu islamiser la philosophie. Et donc, ils attribuent, ils ont une conviction, un dogme, une foi, qui est basé sur quoi? Sur des règles de logique, sur la philosophie, sur le fait de débattre à tort et à travers, le muqaddimat wa nata'ij, c'est-à-dire des préfaces et des résultats, etc. Et c'est ce qu'ils appellent, eux, des preuves logiques, des preuves de raison. Donc ça, c'est un égarement dans la aqida, dans la conviction, et un égarement dans la manière de prouver les choses. والله أغنانا عن علم الكلام وعن غيره بما أنزل على رسوله من الكتاب والسنة. الله il a fait en sorte qu'on n'a pas besoin de cette science, si on peut appeler ça une science, cette connaissance-là de la philosophie, etc., à travers ce qu'il a envoyé avec son messager, sallallahu alayhi wa sallam, le Coran et la Sunna. فلا خير إلا في الكتاب والسنة. Il n'y a pas de bien si ce n'est dans le Coran et la Sunna. لا سيما في أمور العقيدة التي هي الأصل وهي الأساس. Surtout dans les points de عقيدة, le domaine de la conviction, qui est la base et le fondement de toute chose. فَلَا نَبْنِي عَقِيدَتَنَا إِلَّا عَلَىٰ أَدِلَّةِ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ. On fonde notre conviction et on la bâtit que sur les preuves émanant du Coran et de la Sunna. وَلَا نَبْنِيهَا عَلَىٰ قَوَاعِدِ الْمَنْطِقِ. Et on n'agit pas comme eux en basant notre conviction sur des règles de logique. وَعِلْمِ الْكَلَامِ فَكَلَامُ الْعُلَمَاءِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ مَعْلُومٌ. Donc, les paroles des savants des prédécesseurs, ceux qui sont sur la sunna, ils sont connus, leurs paroles qu'ils ont eues sur les gens qui ont utilisé ces règles-là pour rétablir leurs convictions. Yaqulu al-imamu al-Shafi'i rahimahullah, et ça c'est une des paroles les plus répandues, il dit, al-imam al-Shafi'i rahimahullah, hukmi fi ahli al-kalam an yudrabu bil-jaridi wal-ni'al wa an yutafa bihim fil-qaba'il wa an yuqala hadha jaza'u man a'raza an al-kitabi wal-sunna wa dhahaba ila ilmi al-kalam. Il dit, mon jugement sur les gens qui ont laissé le Coran et la Sunna et qui ont utilisé ce type de connaissances-là, c'est qu'ils doivent être frappés avec Al-Jarid. Al-Jarid, c'est les feuilles, les branches des palmiers. Wad-Ni'al, c'est-à-dire les sandales. Et de les faire yani, promener Nyutafa Bihim, Fil-Qaba'il, au milieu des différentes tribus. Et de dire, voilà la récompense et Al-Jaza, yani, la récompense ou la rétribution de celui qui a délaissé le Coran et la Sunna et qui est allé prendre ilm al-kalam. Fa ilm al-kalam madhmoum. Donc cette philosophie-là, elle est mauvaise. Wa kana as-salaf yuhadhdhiruna minhu ghayat at-tahdhir. Les prédécesseurs mettaient en garde à ce sujet-là d'une manière d'une manière très sérieuse. Et ce n'est pas une manière d'agir dans la conviction. Ce n'est pas comme ça qu'on doit comprendre notre conviction et de baser notre iman. Comme ceux qui ont dit, ils ont attribué à Allah le corps. Ou bien, Al-Jawhar, il va l'expliquer après, c'est quoi ? Certaines sectes qui disent que dire que Allah il a des mains, ou dire que Allah il a des yeux, ou dire que Allah il a tel attribut, ça revient à lui attribuer un corps. Wal-ajsam mutashabiha, et les corps se ressemblent les uns les autres. Fayanfuna asma Allah wa sifatihi firaran min at-tajsim. Donc ils disent, on ne va pas attribuer à Allah ni des noms, ni des attributs, comme ça, on est sûr de ne pas lui attribuer un corps. والجسم هو ما يتكون من الجواهر الفردية. Il dit donc, الجسم, le corps, c'est ce qui est composé de الجواهر الفردية. C'est-à-dire, il dit comme il dit derrière, il dit والجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ. الجوهر الفرد, c'est l'unité qui est indivisible, quelque chose qui est un bloc, yani qui ne peut pas être divisé. والعرض هو ما يقوم بغيره. Donc العرض, il dit c'est ma yaqumu bi ghayrihi, donc c'est-à-dire c'est quelque chose qui a besoin, yahtaju ila ghayrihi, c'est un membre ou quelque chose qui a besoin d'autres pour exister. Wal jismu ma yaqumu bi nafsihi fa banu 'aqidatahum 'ala al jismi wa 'ala al 'arad wa ghayri dhalika min at tawahhumat al batila wa taraku al kitab wa al sunnah. Donc il dit ils ont basé leur conviction sur al jism wa al 'arad, yani sur ces termes-là, et ils ont fondé leur conviction sur des tawahhumat, c'est-à-dire sur des imaginations qui sont fausses. Wa taraku al-kitaba wa as-sunnah wa hadha huwa ad-dhalal al-mubin wal 'iyad billah. Et donc les ulama ankaru ala as-Safarini, sahib aqidat l'imam Ahmed, dans son poème, parce qu'il a utilisé ces mots-là. Ces mots-là, les salafs, ils les ont pas utilisés. Wa rabbuna bi 'aradin, il dit quelque chose comme ça, il utilise le mot jism wal 'arad, et sur ce vers-là, ils l'ont blâmé, yani. Il dit وهذا هو الضلال المبين و العياذ بالله. Non, j'ai pas bien compris le passage un bloc comme ça indivisible. Et j'utilise des termes comme ça en disant que si jamais tu attribues à Allah les attributs, ça veut dire que tu lui attribues un corps. Ouais. Et après j'utilise ces termes là, ils disent il y a le jawhar al-fard, c'est-à-dire un membre qui est indivisible, et il y a al-arad wal-jism. Ils disent waljismu ma yaqumu bi nafsihi. Tout ça, ce sont des termes qui ne sont pas rapportés à ni salaf. Ils ne sont pas rapportés dans le Coran, ils n'ont pas été attribués à Allah ni dans la Sunna, ils ne sont pas rapportés à ni salaf. Donc c'est des termes justement à éviter. C'est ulama al-kalam qui ont utilisé ces termes-là. Fahmt? قال وهذا هو الضلال المبين والعياذ بالله ولا يشتغل المسلم بعلم الجدل ويترك الاشتغال بعلم الكتاب والسنة إلا من أضله الله. Il dit donc le musulman n'est pas censé utiliser ce type de terme ou ce type de conviction, ce type de méthodologie. Les prédécesseurs se sont basés sur le Coran et la Sunna. Illa an urribat al-kutub al-rumbiya fi ahd al-ma'mun wa ja'a ilmu al-mantiq wa ilmu al-jadal. Jusqu'à ce que les livres qui ont été faits par les Romains, par exemple, justement ceux qui étaient dans la philosophie, etc., ils ont traduit ces livres-là en arabe, à l'époque de l'Ma'moun. C'est qui l'Ma'moun ? Ma'moun, c'est qui ? On l'a vu plusieurs fois, c'est qui l'Ma'moun ? C'est l'un des califes qui a... Combien tiens ? Il y a quatre califes qui se sont succédés. Le Ma'moun, c'est le premier. C'est celui que l'imam Ahmed, rahimahullah, il n'a jamais vu, puisqu'il est mort avant. Et c'est lui qui a ordonné aux gens de dire que le Coran, il est créé. Et c'est lui qui a mis en place la fitnat khalq al-Qur'an au début du 3e siècle. Donc il a pris des livres qui venaient de chez les Grecs, les Romains, etc. Il les a fait traduire en arabe. Wa ilm al-jadal fahadath al-shar fil umma min dhaak al-tariq. À partir de cela, le mal s'est propagé. C'est là que les gens ils ont commencé à avoir des baser leurs convictions sur ce type de méthodologie. Urribat. Urribat. En arabe, il y a quand les kutub bil-rumiyya, c'était des livres qui étaient en autre langue. Urribat, ils ont été traduits en arabe, transcrits en arabe. قوله والجلوس إلى أصحاب الكلام. والجلوس إلى أصحاب الكلام. Donc, c'est تحذير de l'auteur. Il dit وإياك والنظر في الكلام والجلوس. يعني وإياك والجلوس مع إلى أصحاب الكلام. Et fais attention de ne pas t'asseoir avec. Je gagne. Avec ses adeptes. إذي يا الشيخ الفوزان وفقه الله احذر من تعلم علم الكلام والنظر فيه. Fais attention de ne pas t'instruire dans ce domaine et de ne pas, ne serait-ce que jeter un œil là-dedans. لِأَلَّا تُفْتَنَ فِيهِ وَتُعْجَبَ بِهِ. Car il se peut que ce soit quelque chose qui va finalement te plaire. وَحْذَرْ مُجَالَسَةَ عُلَمَاءِ الْكَلَامِ. Ne t'assois pas avec les gens qui sont ancrés dans cette connaissance-là. وَجَالِسْ أَهْلَ الْحَدِيثِ وَأَهْلَ الْعِلْمِ. Assieds-toi avec les gens de science, les gens qui suivent la voie des prédécesseurs. وَلَا تُجَالِسْ عُلَمَاءَ الْكَلَامِ لِأَلَّا يُؤَثِّرُ عَلَيْكَ. T'assois pas avec les gens qui sont ancrés dans ce domaine, afin qu'ils n'aient pas d'effet néfaste sur toi-même. وَيُزَهِّدُوكَ فِي عِلْمِ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ. Et ils vont te dire, yani, ils vont t'éloigner de la connaissance du Coran et de Sunnah. يُزَهِّدُوكَ, ils vont te dire, yani, t'en as pas besoin, et ce n'est pas aussi profitable que tu ne le crois, etc. فَمُجَالَسَةُ الْأَشْرَارِ تُؤَثِّرْ عَلَى الْجَلِيسِ. Le fait de rester en compagnie de gens qui sont mauvais, ça a des effets sur la personne qui reste avec eux. وَلِهَذَا شَبَّهَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَلِيسَ الصَّالِحَ بِحَامِلِ الْمِسْكِ. C'est pour ça que le prophète صلى الله عليه وسلم, dans le hadith, il a fait ressembler le bon compagnon à حامل المسك, à quelqu'un qui a du musc. قال صلى الله عليه وسلم فحامل المسك إما أن يحذيك أي يعطيك من مسكه. Il dit, celui qui a le misk, yani du musc ou du parfum, soit il te donne, yuhdiyaka, yani yu'tik, soit il va te donner de son musc, il va t'en offrir, wa imma an tabta'a minhu. Tabta'a, ça ne veut pas dire vendre, ça veut dire acheter. Tabta'u, bima'na tashtari. Wa imma an tabta'a minhu, c'est-à-dire, soit tu vas en acheter de lui, wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. C'est-à-dire, lui va te vendre, mais toi tu vas acheter de lui. Wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Ou alors au pire, dans le pire des cas, au moins tu vas sentir une bonne odeur de cette personne. Au moins la période où tu vas rester en compagnie de cette personne, tu vas sentir une bonne odeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ressembler le mauvais compagnon par nafikh al-kir, c'est-à-dire le forgeron. Imma an yuhriqa thiyabak, soit il te brûle tes vêtements, wa imma an tajida minhu rihan khabitha. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. Alors, au minimum, tu vas sentir une mauvaise odeur du forgeron. هذا مثل الجليس الصالح والجليس السوء وجليس السوء. هذا مثل الجليس الصالح وجليس السوء. Voilà l'exemple à donner quant au bon et mauvais compagnon. وعلماء الكلام من جلساء السوء فلا تجلس معهم لأنهم يفسدون عقيدتك. Il dit, علماء الكلام, ce sont des mauvais compagnons que tu peux avoir. Donc ne t'assois pas avec eux pour ne pas qu'ils corrompent ta conviction. Ils vont t'éloigner du Coran et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Point 117. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. Donc l'auteur dit rahimahullah wa alayka bil athar wa ahli al athar. Ils avaient les deux ensemble. Attache-toi plutôt au texte et leurs adeptes, ce sont eux que tu dois interroger, avec eux que tu dois t'asseoir et d'eux que tu dois prendre. Qawluhu wa alayka bil athar ay al ahadith, reste attaché aux textes qui sont rapportés, notamment aux hadith, wa ahli al athar, et les gens qui sont attachés aux textes. Wa ma'na alayka ilzam, reste attaché à eux. Ma'na alayka ilzam, reste en proximité d'eux, instruis-toi auprès d'eux. Kama fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum. Conformément, par exemple, il y en a dans un verset où Allah il utilise ça, alaykum kada, dans sourate 5, verset 105, ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum. Ô les croyants, vous êtes responsables de vous-même. Alaykum anfusakum, c'est-à-dire ilzamuha. C'est-à-dire, prenez soin, yani, de vos propres personnes. Vous êtes responsable de vos propres personnes. Sourate 5, verset 105. قوله وإياهم فاسأل. Et il dit également, l'auteur il dit وإياهم فاسأل, c'est-à-dire c'est eux que tu dois interroger. وإياهم فاسأل قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Allah dit dans le Coran, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Surat 16, verset 43. يعني أهل العلم من أهل الكتاب المستقيمين وأهل العلم من هذه الأمة هم الذين يسألون. C'est-à-dire les gens de science parmi les gens du livre, des gens du livre qui étaient sur la droiture, et les gens de science de cette communauté, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est eux qu'il faut interroger. قوله ومعهم فجلس ومنهم فاقتبس. Avec eux que tu dois t'asseoir, les deux que tu dois prendre. قال الله جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الله dit dans le Coran, quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Si le diable te fait oublier alors que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. وقال سبحانه نعم نعم واش قلت انا ايه alors dès que tu te rappelles, au moment où tu te rappelles, tu dois لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين, tu t'en vas. وقال سبحانه وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Allah dit dans le Coran, verset 140, surat numéro 4. Dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah, le Coran, et qu'on s'en raille, yani on s'en moque, ne vous asseyez point avec eux jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. Surat 4, verset 140. إِذَا جَالَسْتَهُمْ إِذَا جَالَسْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ فَالْيَحْذَرِ الْإِنسَانُ مِنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الشَّرِّ وَعُلَمَاءِ الضَّلَالِ. Donc si tu t'assois avec eux, tu deviens comparable à eux, tu deviens pareil à eux. Donc il faut s'éloigner de وَلْيُلَازِمْ مُجَالَسَةْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَهْلَ الْعَقِيدِ الصَّحِيحَ وَأَهْلَ الْمَنْهَجِ السَّلِيمِ يُجَالِسُهُمْ وَيَسْتَفِيدُ مِنْهُمْ. Il doit rester en compagnie des gens de science, des gens qui ont une conviction qui est saine, et une foi qui est correcte, et une méthodologie qui est bonne. Il tire profit, il reste avec eux, il tire profit d'eux. Irtibas, c'est le fait de prendre. نعم. Point 118. قال المؤلف رحمة الله عليه وعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياة من الله تبارك وتعالى. Sache qu'on n'a pas adoré Allah par une chose meilleure que la crainte, et la voie de la crainte, la précaution, la sollicitude et la pudeur viennent d'Allah عز وجل. قوله وعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه. العبادة تتركز على أشياء على ثلاثة أشياء. Ça, c'est connu, inshallah, par tout le monde. L'adoration est basée sur trois piliers. الخوف والرجاء والمحبة. La peur ou la crainte, l'espoir et l'amour. فعبادة الله جل وعلا لا تكون عبادة إلا إذا توفرت فيها ما هذه الأمور. L'adoration ne sera adoration que si ces trois choses-là sont réunies. الخوف من الله ورجاء رحمة الله عز وجل. Il dit que tu es peur d'Allah et que tu espères en lui. La yakunu khawfun faqat hatta yaqnata min rahmatillah wa la yakunu raja'un faqat hatta ya'mana min makrillah. Donc il ne faut pas seulement avoir peur au tel point que tu désespères de la miséricorde d'Allah, ou bien avoir de l'espoir à tel point que tu te sens à l'abri du stratagème d'Allah, comme ils traduisent, ou bien wa la yakunu raja'un faqat hatta ya'mana min makrillah wa la yakunu mahabba faqat biduni khawf wa raja, ni le fait d'adorer Allah juste par amour, sans le craindre et sans espérer en lui. Il dit la budda لا بد بل لا بد من الثلاثة خوف ورجاء ومحبة لله عز وجل. Il faut les trois ensemble. ولهذا قالوا من عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي. Les ulama, ils ont dit, celui qui adore Allah seulement avec la peur, il adore Allah seulement parce qu'il a peur de lui, c'est, il fait partie des khawarij, la secte des khawarij. لأن هذه طريقة الخوارج لأنهم أصحاب الوعيد. Car ce sont ceux qu'on appelle الوعيدية, ceux qui sont, qui ont fait primer les versets sur la, et les hadiths sur la menace. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجي. Celui qui adore Allah seulement avec l'espoir, il fait partie des murji'a. C'est quelqu'un qui a fait primer les textes qui citent l'espoir. لأن هذه طريقة المرجئة الذين لا يخافون الله وإنما يعتمدون على الرجاء فقط. Ils sont énormément, يعني ils font primer énormément l'espoir. والله جل وعلا يقول أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Et Allah dit dans le Coran, Sourate l'A'raf, verset numéro 99, sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sont à l'abri du stratagème, d'Allah. ومن عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي. Celui qui adore Allah seulement avec l'amour, il dit j'aime Allah, je n'ai aucun espoir en lui et aucune crainte de lui, c'est un صوفي. انظر مجموع الفتاوى وشرح العقيدة لابن أبي العز الطحاوية لابن أبي العز. قال qu'il ne craint pas et qu'il n'a pas d'espoir en lui, c'est un soufi. Un soufia, c'est ce qu'eux disent. Ils disent, celui qui adore Allah et qui a de l'espoir et qui a de la crainte en lui, c'est comme un commerçant. Tu vois? Ils disent, nous on aime Allah, on n'espère pas son paradis, on ne craint pas son enfer. On l'adore parce qu'on l'aime, c'est tout. Hein? Alors que Allah dans le Coran, il a cité quoi? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ça c'est l'amour. Ar-Rahman, Ar-Rahim, la miséricorde, ça c'est l'espoir. Malik Yawmiddin, maître du jour de la rétribution, ça c'est la peur. Tu as peur de ce jour-là. Donc les trois, ils sont réunis. Et ça, c'est les piliers de l'adoration. Toute adoration qui n'a pas ces trois piliers-là, ce n'est pas une adoration. Hein? Il faut adorer Allah parce que tu l'aimes. Et il faut le craindre. Il faut, avoir de l'espoir en lui. Donc il dit, وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالْمَحَبَّ فَقَدْ فَهُوَ صُوفِيَ لِيَنَّ الصُّوفِيَ يَقُولُونَ لَا نَعْبُدُ اللَّهَ طَمَعًا فِي جَنَّتِهِ وَلَا نَعْبُدُهُ خَوْفًا مِنْ نَارِهِ. Les soufis disent, on n'adore pas Allah en espérant son paradis. Et on n'adore pas Allah par crainte de son feu. وإنما نعبده محبة له فقط. Mais ils disent, on adore Allah seulement parce que on l'aime. انظر مدارج السالكين فما بعدها. Il dit, regarde pour plus de détails dans le livre d'Ibn al-Qayyim رحمه الله, مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. Donc il dit, وهذا ضلال فلا بد أن نعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة. Faut adorer Allah avec les trois. C'est comme ça qu'étaient les prophètes. Par exemple, dans Sourate l'Anbiya, Allah il a cité nombre de prophètes. Après à la fin, il a dit quoi? إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Ils concurrençaient au bien. Ils nous invoquaient par amour et par crainte. Les prophètes, ils invoquaient Allah par amour et par crainte. واذكر ربك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. Dans la sourate 7, à la fin, Allah également, il demande de l'invoquer et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte. Humilité, c'est l'espoir. Et la crainte, c'est la peur. Et les savants, ils disent, toute chose dont tu as peur, tu vas fuir d'elle. Quelque chose dont tu as peur, tu vas fuir d'elle, tu ne vas pas aller vers elle. Sauf Allah. Allah, il leur donne de le craindre et il leur donne de fuir vers lui. Dans la sourate 51, il a dit, fafirru il Allah. Il n'a pas dit, fafirru min Allah. Il n'a pas dit, fuyez d'Allah. Il a fuyé vers Allah. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Non. Il faut impérativement les trois. Et ça il faut... Et c'est quelque chose qui est connu dans la aqidah de l'Ahl-Sunnah wa Jama'a. Il faut impérativement ces trois dans l'adoration. Il dit, l'auteur, rahimahullah ta'ala, قَوْلُهُ وَطَرِيقُ الْخَوْفِ وَالْحُزْنِ وَالشَّفَقَاتِ وَالْحَيَا مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. La voix de la crainte, la précaution, la sollicitude et la pudeur viennent d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ay, alayka bil haya min Allah. Il dit donc qu'il faut être pudique envers Allah. Wal haya min Allah alla yaraka ala ma'siyatihi. C'est quoi la pudeur envers Allah? C'est que Allah ne te voit pas en train de faire un péché. Or Allah, tu peux pas te cacher de lui. C'est-à-dire, faut pas que tu fasses, yani tu t'adonnes au péché. Anta tastahi min al makhluqin an yarawka ala shay'in la yaliq. Toi, yani tu aurais honte que des créatures elles te voient en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Fa kayfa la tastahi min Allah an yaraka ala ma'siyatihi. Comment, Yanni, tu n'as pas de pudeur envers Allah qu'il te voit en train de faire un péché. Hada shay'un ajib min al-insan. Il dit c'est vraiment quelque chose d'étonnant de la part de l'homme. Kama qala ta'ala, kama qala Allah ta'ala, istaghfuna min an-nas wa la istaghfuna min Allah, id yubayyitu wa huwa ma'ahum, id yubayyituna ma la yarda min al-qawl. Il dit dans la sourate 4, verset numéro 108, il cherche à se cacher des gens, mais il ne cherche pas à se cacher d'Allah. Or il est avec eux quand même, or il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'il, c'est-à-dire Allah, n'agrée pas. فعليك أن تستحي من الله أولا وتتجنب معصيه لأنه يراك. C'est-à-dire, tu dois avoir cette pudeur envers Allah qui ne te voit pas en train de faire des choses qui sont qu'il a interdites. وتتجنب معصيه. Tu dois te mettre à l'écart de ses péchés car il te voit. Et c'est une des définitions que les savants ils ont donné de taqwa. Il y a beaucoup de définitions de taqwa qui reviennent à une seule chose. منها Allah يفقدك الله حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك. Il faut pas qu'Allah te trouve là où il t'a ordonné de ne pas être, soit dans les paroles, dans les actes, dans les convictions, etc. Et il faut pas qu'il te trouve absent là où il t'a ordonné d'être. Il t'a ordonné d'être en prière en groupe dans les mosquées. Il faut qu'il te trouve dans les mosquées. Il t'a ordonné de ne pas être dans les endroits où il y a le fasad, où il y a la corruption, où il y a le mal, où il y a l'uri, le fait d'être dévêtu, etc. Le ma'as, c'est là où il y a des péchés, etc. L'alcool, il est bu, etc. Il faut pas qu'il te trouve dans ces endroits-là. C'est une des définitions de taqwa. Parmi les définitions, il n'y a pas un tafala ta'atillah ala nourillah. Ala nourim min Allah. Ala nourim min Allah. Fi hadi, hada ta'rif Talq ibn Habib, al-Tabi'i. Ça veut dire quoi? Ala nourim min Allah, ay ala ilm. An ta'bud Allah, an tuti' Allah. Ala nourim min Allah, tarju thawab Allah. Tu obéis à Allah sur une lumière d'Allah, c'est-à-dire sur une science. C'est-à-dire que, مثلاً, العلماء donnent cet exemple. Ils disent que فلان أتى كل الأسباب ليزنيا. Quelqu'un il a fait toutes les causes pour tomber dans le zina. لكن ما وجد. Il n'a pas fait le zina. Est-ce qu'il a fait le péché? Il ne l'a pas fait. Est-ce que هذا, on peut dire متقي هذا الرجل? On peut dire ou on ne peut pas dire? À l'aise. Il a fait toutes les causes pour faire, mais il n'a pas pu. Il a eu l'intention. Tu vois? Donc il n'a pas le péché de l'acte, mais il a le péché de l'intention. Mais هذا ليس متقي, parce qu'il n'a pas laissé cette chose par crainte d'Allah. Par contre, مثلاً, hadith الثلاثة في البخاري, hadith les trois qui étaient bloqués dans la grotte, et un des hommes, il a envers une femme, il lui a donné de l'argent, etc. حتى يزني بها. Et juste avant de faire l'acte, elle lui a dit اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. امتنع. Il lui a laissé l'argent, il l'a laissé partir. هذا متقي ولا غير متقي. Il aurait pu faire zina, mais il l'a laissé par crainte d'Allah. Hada yusaf bi taqwa. Lakin le deuxième ou le premier qui a essayé de faire toutes les causes, que ce soit ça ou autre chose, et il n'a pas pu faire la chose, on ne peut pas le considérer comme étant muttaqi. Ce n'est pas ala ilm ou ala khawf min Allah qu'il a délaissé cette chose-là. C'est an ajz. C'est l'incapacité qui a fait qu'il n'a pas pu faire cette chose-là. Donc ils disent ala nourim min Allah et ala ilm wa ma'rifa wa khawf min Allah kada. Tarju thawab Allah, et les péchés tu les délaisses. Ala nourim min Allah, Allah il les a interdits, il t'a ordonné de les délaisser, etc. Tarsha iqab Allah, tu crains le châtiment d'Allah. Monsieur, mais quand tu as dit, il fait toutes les causes qu'il a en fornication, mais par crainte d'Allah, il ne fait pas la, il fornique pas. Hada muttaqi, ça c'est un craintif. Naam, il aurait pu faire, mais il ne l'a pas fait. Contrairement à quelqu'un qui a fait toutes les causes pour faire, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à concrétiser son péché. Sinon, c'est pas un créatif. نعم. النقطة التي تليها قال المؤلف رحمة الله عليه واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. Prends garde de t'asseoir avec ceux qui appellent au désir, à l'amour, s'isolent avec les femmes et appellent à la voix de leur école car ils sont tous dans l'égarement. الشرح explication. واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة. إيش قال الشوق؟ Le désir. Le désir. هم الصوفية. Il revient encore au soufi. لما حذرك من الجلوس مع علماء الكلام حذرك من الجلوس مع فرقة أخرى ضالة وهم الصوفية الذين يعبدون الله بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان ويتركون السنة. Donc il dit, après t'avoir mis en garde, quant au fait de s'asseoir avec ulama al-kalam, les gens qui ont voulu islamiser la philosophie, il t'a mis en garde quant au fait de rester avec une autre fraction égarée, qui sont les soufis, qui adorent Allah avec des innovations, avec des nouveautés, qu'Allah n'a, à propos desquelles Allah n'a fait descendre aucun argument. C'est-à-dire que ce sont des choses qui n'existent pas dans la religion. Wa yatrukuna as-sunnah. Ils délaissent la sunnah du messager sallallahu alayhi wa sallam. Bal la ya'ba'una bil hadith, wa la ya'ba'una bi talab al-'ilm, wa yuhadhdhiruna min talab al-'ilm. La ya'ba'un, c'est-à-dire ils ne se soucient pas. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum, faqad kadhabtum fa sawfa yakunu lizama. Le dernier verset de la sourate Al-Furqan 25. La ya'ba'un ay la yahtamun. Ils ne se soucient pas de cela. Au contraire, ils mettent en garde quant au fait d'apprendre. طلب العلم يقولون طلب العلم يشغلك عن ذكر الله يشغلك عن العبادة. Donc il dit طلب العلم يشغلك عن ذكر الله. Le fait de rechercher la science, ça va te prendre du temps et ça va t'occuper ou préoccuper par rapport au fait. Il vaut mieux évoquer Allah et il vaut mieux l'adorer. وهذا ضلال. Ceci est faux. لأن العبادة لا تصلح ولا الذكر والذكر لا يصلح إلا إذا كان على وفق الكتاب والسنة. L'adoration, le dhikr et toutes ces autres choses là, elles ne seront conformes que si elles sont conformes au Coran et à la Sunna. ولا يكون كذلك إلا بالعلم. Et cela ne sera conforme qu'à travers la science, le savoir. ولذلك ضلوا والعياذ بالله زاهدوا في العلم والتعلم. C'est pour ça ils se sont égarés de cette manière là en éloignant des gens de l'ilm, de la science. Ils se sont égarés et زاهدوا في العلم والتعلم. Ils se sont surpassés de la science et du fait d'enseigner, d'apprendre et d'instruire aux autres. وقالوا للناس اشتغلوا بذكر الله اشتغلوا بالعبادة. Ils ont dit aux gens, il vaut mieux être constamment en train de faire de l'évocation, évoquer Allah et faire des adorations. هذا هو عين الضلال. C'est ça la perdition et l'égarement en lui-même. لأن العبادة والذكر لا يصحان إلا إذا كان على علم صحيح. L'ibada, l'adoration, le dhikr, etc. ne sera valide, conforme, que si c'est bâti sur une science qui est juste, qui est conforme, authentique. Wattiba' il rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Amma idha kana ala ghayri ilmin, wattiba' kana dhalalan. Si ce n'est pas basé sur une science, sur un suivi du messager, ce sera égarement. Waqad qala alayhi salam, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait un acte qui n'est pas conforme à nos enseignements, ce sera rejeté. كيف تعلم أن هذا عليه أمر الرسول عليه السلام إلا بالتعلم؟ Comment tu sauras si quelque chose est conforme aux enseignements du messager si ce n'est le fait que tu t'es instruit؟ وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Et le messager صلى الله عليه وسلم il a dit celui qui introduit dans nos enseignements ce qui n'en fait pas partie ce sera rejeté. كيف تعلم أنه محدث إلا إذا قابلته بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ Comment tu sauras cela si ce n'est le fait que tu compares cette adoration avec ce qui est rapporté dans la sunna du messager. فَلَابُدَّ مِنَ التَّعَلُّمِ أَوَّلًا. Donc il faut commencer par le fait d'apprendre, s'instruire. وَلَا تَزْهَدْ فِي الْعِلْمِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ. Ne te surpasse pas du fait d'apprendre et de t'instruire. طَلَبُ الْعِلْمِ أَفْضَلْ مِنْ نَوَافِلِ الْعِبَادَاتِ. طَلَبُ الْعِلْمِ, le fait d'apprendre et de s'instruire, c'est meilleur que les surérogatoires parmi les adorations. فالذي يجلس ويذاكر مسألة من العلم أفضل من الذي يقوم الليل كله. Celui qui s'assoit et qui étudie un sujet religieux, il est mieux que celui qui se lève, qui fait la prière nocturne toute la nuit. لماذا؟ Pourquoi؟ لأنه يعبد الله على علم وبصيرة. Car il adore Allah sur une science et sur une clairvoyance, une connaissance. لأن العالم لا ينفع. لأن العالم لأن العالم ينفع نفسه وينفع غيره. Il dit le savant, celui qui est instruit, qui est connaisseur, il va être profitable pour sa propre personne, il va être profitable pour les autres. أما العابد الذي يصلي الليل كله ويصوم النهار هذا ينفع نفسه فقط. Par contre, celui qui fait des adorations, c'est pas mauvais, mais الفائدة قاصرة. Le profit sera limité à lui-même. Il jeûne la journée et il fait la prière nocturne, c'est pour lui. ولا ينفع الناس فنفعه قاصر على نفسه. Donc il sera pas profitable envers les gens, son profit il sera limité à lui-même. فأنت إذا تعلمت نفعت نفسك ونفعت الناس. Quand tu t'instruis, tu es profitable pour ta propre personne et tu es profitable pour le reste des gens. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. حديث رواه الإمام أحمد وغيره. Donc il dit, le mérite du savant comparé à l'adorateur est comme le mérite de la lune sur le reste des constellations, le reste des étoiles. لأن القمر ينير الكون ويسير عليه الركبان. Il dit, car la lune est une lumière pour les gens, est une lumière pour l'univers, si on peut dire, la nuit. Et les gens qui se déplacent de nuit, ils ont une certaine visibilité suite à la lune. ويصلح الله به الثمار. Et elle a des effets sur les sur les récoltes, sur les ce qui pousse, de la terre, les fruits, les légumes, etc. Rokban, non, des gens qui se déplacent, qui voyagent. Voilà, humana fait avrima. Donc la lune elle a énormément de profits. Amma al-kawkabu fa huwa innama yunawwiru nafsahu faqat. Kawkab, l'étoile, elle va juste illuminer son propre être. Nuruhu qasirun alayh. Hada fi al-'abid alladhi ya'budu Allah 'ala haqq. Fa kayfa bil 'abid alladhi ya'budu Allah 'ala jahl. Le cheikh dit ce hadith là pour comprendre comme quoi les deux ils sont bien, mais l'alim il n'est pas comparable à l'abid, il est beaucoup meilleur. Le connaisseur il est beaucoup meilleur que l'adorateur. Il dit ça c'est si l'adorateur il adore Allah conformément à la sharia. Que dire alors de celui qui adore Allah avec ignorance, c'est-à-dire en parlant des soufis. هذا ربما تكون عبادته ضلالا مردودة تكون عبادته ضلالا مردودة عليه. Il dit fort possible que son adoration elle sera égarement et rejeté sur lui-même. فلا بد من العلم وطلب العلم ولا يغرك هؤلاء الذين يحثون الناس على الذكر والخروج وصلاة الليل والصيام. Donc il dit ne te laisse pas, il faut t'instruire, faut apprendre sans cesse et ne te laisse pas tromper par ceux qui incitent les gens à faire du dhikr en constamment et faire de l'évocation et le fait de sortir, de s'isoler, de faire la prière nocturne, de jeûner. Et ils disent l'apprentissage, ça prend du temps, c'est pas profitable, etc. En disant s'asseoir dans les mosquées, apprendre chez les ulama, ça prend du temps et ce n'est pas profitable. L'auteur, rahimahullah, il dit وَحْذَرَ أَنْ تَجْلِسَ مَعَ مَنْ يَدْعُوا إِلَى الشَّوْقِ وَالْمَحَبَّةِ وَمَنْ يَخْلُو مَعَ النِّسَاءِ. S'isoler avec les femmes. لأن بعض الصوفية لا يتورعون عن الحرام يقولون نحن ما علينا إثم نحن من العارفين بالله. الصوفية, ça c'est une certaine طبقة, un certain degré, لا يتورعون عن الحرام. تورع, ça vient de l'ورع. Pour eux, il n'y a aucun problème de tomber dans l'interdit. Ils ne se mettent pas à l'écart de l'interdit. Ils disent, on n'est pas pécheurs, car nous connaissons bien Allah. وَيَسْتَبِحُونَ الْمَعَاصِي. Ils se rendent licites des choses qui sont interdites. Des choses qui sont interdites. وَيَقُولُونَ نَحْنُ مَا عَلِينَ تَحْرِيمُ وَلَيْسَ عَلِينَ وَاجِبَاتِ. Ils disent, il n'y a pas d'interdiction à notre égard. Et on n'a pas d'obligation à respecter. لِأَنَّنَا وَصَلْنَا إِلَى اللَّهِ لَيْسَنَا بِحَاجَةٍ إِلَى الْعِبَادَةِ. Ils disent, on n'a pas d'obligation à respecter ou d'interdit à délaisser. Car nous sommes arrivés à Allah. Nous n'avons pas besoin de l'adoration. ولذلك يستعملون اللواط. Il dit c'est pour ça que certains tombent dans l'homosexualité. ويستعملون الزنا, la fornication. ويستعملون النظر المحرم, et ils regardent des choses interdites. ويقولون ما علينا إثم في هذا لأننا ننظر في آيات الله. Ils disent nous ne sommes pas pécheurs à travers cela, nous regardons les signes d'Allah. يقولون هذا من النظر في آيات الله يزين لهم الشيطان هذا الشيء. Le diable leur enjolive ces choses. وَيَخْلُونَ مَعَ الْمُرْدَانِ. Et ils restent en tête à tête avec le Mourdan, جَمْعُ أَمْرَدْ. Le pluriel de Amrad est un verbe. وَيَحْصُلُ مِنْهُمْ شُرُورْ. Et ils font des choses qui ne sont pas louables. وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ وَأَنَّهُمْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ حَرَجٌ فِي مَا فَعَلُوا. Et ils disent, il n'y a aucun mal dans ce qu'on fait. انظر كيف يصل العبد إلى هذا الحد والعياذ بالله فلا تجلس مع هؤلاء. Ils regardent à quel point ils sont arrivés. Donc le cheikh dit ne t'assois pas avec ce type de personnes, ne reste pas en leur compagnie. قوله وطريق المذهب. La voie de la récolte. la voie de leur école. Ay tariq madhhab as-sufiyya, l'école des soufis. Yaqulu naj'al laka shaykhan, ils disent il faut que tu prennes un cheikh, yani un professeur. Ay cheikh tariqa tous la cou ala yaday, c'est-à-dire tu dois prendre une tariqa soufiyya, comment dire, un chemin, un autre mot je crois. Chemin, route, c'est pareil. Alladhi laysa lahu shaykh, shaykhuhu shaytan. Il dit tu dois prendre quelqu'un que tu dois suivre. Yani shaykh at-tariqa 'inda as-sufiyya, c'est pas comme ma shaykh as-sunnah. C'est-à-dire que shaykh at-tariqa, c'est des gens à qui tu dois prêter allégeance et que tu dois suivre dans tout ce qu'il t'ordonne. Quoi qu'il t'ordonne, quoi qu'il t'interdit, tu dois le respecter. Et ils disent celui qui n'a pas de shaykh, son shaykh est le diable. La budda annaka annaka tatba' li shaykh. La budda annaka tatba'u li shaykh wa tubayi'uhu 'ala at-tariqa annaka ma takhruj 'anha. Tu dois faire pacte d'allégeance au cheikh et lui promettre de ne pas sortir de cette de sa tariqa. Lahum as-salahat khabitha. Ils ont des terminologies mauvaises. Fa'alik an tahdhara minhum yad'un an-nas ila al-khuruj min dinillah ila din ash-shaytan wal 'iyadu billah. Yani prends garde à cela, ils appellent les gens à sortir de la religion d'Allah vers la religion du diable. Yani toute voie qui est empruntée par le diable et qui est fausse. Qawluhu fa inna ha'ula'i kulluhum 'ala ad-dhalalah. Tous ceux-là sont sur la perdition. Ha'ula'i as-sufiyya bima fihim 'ammatuhum wa 'ulama'uhum wa muriduhum wa mashayikhuhum kulluhum 'ala kulluhum 'ala dhalalah. Il dit tous ceux qui empruntent cette voie-là, les gens de la marche chez eux, les ulama, les gens qui sont respectés, muriduhum wa mashayikhuhum, al-murid c'est celui qui prête allégeance, al-mashayikh c'est ceux à qui on prête allégeance, tous ils sont dans la même voie. Illa man amila bis sunnah fa hadha ala al haqq, sauf celui qui s'écarte de cela et suit la voie de la sunnah. Wadh, clair. Non. Point suivant 120. Qala rahmatullahi alayhi wa alam anna Allah ta'ala da'a al khalqa kullahum ila ibadatihi wa manna min ba'di dhalika ala man yasha'u bil islam wa tafaddulan minhum. Sache qu'Allah a appelé toutes les créatures à l'adorer et il a fait donc après cela de l'islam à qui il veut par une grâce émanant de lui. الشرح explication. المؤلف رحمه الله تعالى يقول واعلم أيها المسلم يا طالب العلم. Sache, toi le musulman, toi l'étudiant en sciences religieuses. وتنبه إلى أن الله خلق الخلق كلهم لعبادته. Sois attentif au fait qu'Allah il a créé toutes les créatures pour l'adorer. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat 51 verset 56. هذا من ناحية الإخبار ومن ناحية الأمر. Ça c'est une information de la part d'Allah qu'il a créé les créatures que pour qu'il l'adore. Et il a ordonné cela également. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé. Ainsi atteindriez-vous la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas d'ego alors que vous savez tout cela. Surat 2 verset 21 et 22. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur. Le séisme de l'heure est vraiment quelque chose de terrible. Surat 22 verset numéro 1. وقال يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Ô vous les gens, la promesse d'Allah est véridique. Ne vous laissez pas tromper par la vie mondaine et que le trompeur ne vous trompe pas à propos d'Allah. Surat 35 verset 5. فهذا خطاب لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم جنهم وإنسهم. Ça c'est خطاب. C'est un discours. Ce sont des paroles qui sont adressées à tout le monde, croyant et mécréant, djinn et homme. بأن يفرد الله بالعبادة, d'unifier Allah dans l'adoration. ولا يعبد معه سواه, de ne pas adorer autrui avec lui. لأنه لا ريب لهم إلا لأنه لا رب لهم إلا الله جل وعلا. Ils n'ont pas d'autre seigneur qu'Allah. والغالب على النداءات في السور المكية يا أيها الناس والغالب عليها في المدنية يا أيها الذين آمنوا. Donc il dit, en général, dans Nidaat, Nidaat c'est quoi? C'est des appels. Allah il interpelle les gens dans le Coran. Il dit, Ya Bani Adam, ô vous les enfants d'Adam. Ya Ayyuhan Nas, ô vous les hommes. Ya Ayyuhal Ladina Amanu, ô vous qui avez cru. Ya Ahl al-Kitab, ô vous les gens du livre. Etc. Donc, quand il interpelle les gens, c'est ce qu'on appelle Nida, l'appel. Il dit, Fi Surat al-Makkiyah, dans les Surat Mekwaz. Les Surat Mekwaz, il y a une divergence entre les ulama. Qu'est-ce que c'est une Surat Mekwaz? Est-ce que c'est une surat qui est descendue à la Mecque? Une surat médinoise, c'est une surat qui est descendue c'est une surat qui est descendue à Médine ou pas? Rajih al-Aqwal, la parole la plus claire, et si je ne me trompe pas, hada tarjih al-Sheikh ibn Uthaymeen, rahimahullah, c'est que surat al-Makkiyya, c'est ce qui est descendu avant l'Hijra. Et surat al-Madaniya, c'est ce qui est descendu après l'Hijra. Par exemple, le verset qui est descendu pendant Hajjat al-Wada'a, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا بعرفة. Il était à Arafat, le 9e jour du 12e mois de l'an numéro 10. Ça s'est passé à Arafat. C'est où? C'est à la Mecque. Mais ce verset-là, on va dire, c'est un verset madani. C'est pas un verset mecquie. Pourquoi? Car il a eu lieu après le Hijra. Car ceux qui décomposent des versets mecquois à la Mecque et les versets médinois à Médine, il y a des versets qui sont descendus autres qu'à la Mecque et Médine. Il y a eu des batailles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est déplacé dans des endroits. Il y a eu l'hijra a pris 14 jours pour se déplacer de la Mecque à Médine, etc. Donc le qawl al-rajih, la parole la plus claire, la plus saine, c'est que quand on dit les versets ou les surates médinoises, c'est des surates qui sont descendues après l'hijra. Et les surates mekwaises, c'est les surates qui sont descendues avant l'hijra. Donc le cheikh dit que la plupart des appels dans les sourates mekwaises, à savoir ce qui est descendu avant le hijra, Ya ayyuhan nas. En général, vous trouvez Ya ayyuhan nas, ô vous les gens. Allah il s'adresse à tout le monde. Et en général, dans les versets al-ghalib alayha fil madaniya, des versets ou les sourates médinoises, Ya ayyuhal ladina amanu, ô vous qui avez cru. Il s'adresse à ceux qui ont cru. Wa in kana qad yujadu shay'un fi as-suwar al-makkiyya aw as-suwar al-madaniya ghayru dhalik. Il dit, ça c'est Al-Ghalib, la majorité. Mais il y a des exceptions. Il y a des sourates médinoises où il y a Ya Ayyuhan Nas, et des sourates mekwaises où il y a Ya Ayyuhan Ladina Amanu. Qal, lakin al-ibra tabil Ghalib. Mais à l'absolu ou dans la majorité, c'est ça. Fahad al-Nida yadullu dalalatan sarihatan ala anna al-ibadata la taslahu illa lillah subhanahu wa ta'ala. Donc, cet appel-là montre clairement que l'ibada, l'adoration, n'est conforme que si elle est vouée à Allah seul. Wallahu jalla wa ala amara biha jami'an nas. Allah il a ordonné à tout le monde de se soumettre à cela. Wa khalaqahum min ajliha. Falaysa li ahadin fiha ay istihqaq la al-mala'ikata wa la al-anbiya wa la al-awliya wa la al-salihin wa la al-jinn wa la al-ins wa la ay makhluq. Al-ibadatu haqqun lillah ala al-khalqi ajma'in. L'adoration est un droit exclusif d'Allah. Il n'y a personne d'autre qui en a le droit quelconque. Ni les anges, ni les prophètes, ni les gens pieux, ni les gens de droiture, ni les saints, ni les djinns, ni les hommes, ni quelconque autre créature. L'adoration est un droit d'Allah exclusif sur toutes les créatures. فَالدَّعْوَةُ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ عَامَّةِ وَلَكِنَّ الْمُمْتَثِلِينَ لِهَذِهِ الدَّعْوَةِ هُمْ خَوَاصُ الْعِبَادِ. Donc, l'appel a été fait à tout le monde. Mais il n'y a qu'une partie de personnes qui ont répondu à cet appel. Beaucoup de gens se sont détournés de l'adoration d'Allah. Peu sont les gens qui ont répondu à l'appel. Donc il dit, peu sont les gens qu'Allah a guidé et qui a entrepris la bonne voie. Et il dit, la cause est le fait de se tourner vers l'ordre d'Allah et de chercher à l'appliquer et d'écouter l'ordre d'Allah et de le mettre en application. Isra, c'est le fait d'écouter attentivement. Iqbal, c'est le fait de s'orienter. Naam. Comme le Qibla, tu te tournes vers. Wa litasra ilayhi afidatu alladhina la yu'minuna bil akhirah. وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الإصغاء في سورة الأنعام. الإصغاء سلفديكوتي attentivement. نعم. والتوفيق من قبل الله. Toi tu fais la cause et Allah il t'accorde la réussite. C'est lui qui la détient. وتوفيق الله مترتب على سبب من العبد. La réussite qu'Allah va donner, c'est suite à la cause que la créature elle a. Elle a la cause qu'elle a faite. Vous avez des exemples, il fait dans le Coran. Maryam alayhi salam, quand elle a enfanté de Isa, il lui a dit quoi? فجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخل. Traduction. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Et elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant, que je fusse totalement oublié. Alors il l'appela d'au-dessous d'elle. Alors il a fait un ulama, est-ce que c'est Isa ou bien c'est Jibril qui a appelé? Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier. Un tronc, c'est quelque chose de robuste. Yani, tu vas le secouer, ça va rien faire. Pourquoi Allah lui a dit secoue vers toi le tronc du palmier et il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres pour lui apprendre à faire le sabab. Il faut que tu fais quelque chose de ta part et Allah il te donne. Pareil avec Moussa alayhi salam. Il lui a dit frappe la mer avec le bâton. Alors que Allah il peut faire surgir le chemin sans qu'il frappe la mer. Mais tout ça pour lui enseigner à l'homme de ne pas être inactif, inattentif. Fais ce que toi tu as à faire et Allah il te donne la réussite. Donc c'est ça, c'est pour les prophètes. Pour les gens qui ne sont pas prophètes, min babin aoula. Il y a d'autres versets, il y a d'autres exemples dans le Coran, mais on se suffit à ces deux-là. Donc il dit, donc le cheikh il dit quoi? Il dit fais la cause, ça c'est ton travail toi, de faire la cause de vrai. Et la réussite, c'est Allah qui te la donne, c'est lui qui la détient. فَإِذَا فَعَلَ الْعَبْدُ السَّبَبْ فَإِنَّ اللَّهَ يُوَفِّقُهُ وَيُيَسِّرُهُ. Quand la créature elle fait la cause, Allah lui accorde la réussite et lui facilite la chose. كما قال تعالى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Donc, surat al-Layl, surat 92, verset 4 à 10. Vos efforts sont divergents. Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonges, la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. La guidée et l'égarement, elles ont des causes. Elles ont des causes qui viennent de la créature. Il y en a qui disent que c'est Allah qui a prédestiné. S'il m'a prédestiné la guider, elle va me venir. Et s'il m'a prédestiné l'égarement, il va me venir, l'égarement. هذا كلام باطل. Ceci, ce sont des paroles qui sont fausses. واحتجاج بالقدر. Et c'est le fait d'argumenter à travers le destin. وينسى هذا أن فعل السبب من في من قبله هو لن يحصل على الهداية بدون سبب أبدا. Il dit, tu n'atteindras pas la guidée sans passer yani, par le fait de faire la cause. Si tu veux des enfants, il faut que tu te maries. Sinon, tu n'auras pas d'enfants. Si tu restes célibataire et tu ne te maries pas, a'zab c'est célibataire, tu ne te maries pas, tu n'auras pas d'enfants. Et ainsi le rizq. Si tu ne restes pas et tu ne fais rien et tu te mets sur le qadr, tu n'auras pas d'enfants. Pareil, si tu veux des richesses, un patrimoine, et que tu restes sans œuvrer, sans chercher à travailler, tu n'auras pas de richesse, de patrimoine. وَإِذَا قُمْتَ وَعَمِلْتَ وَتَسَبَّبْتَ وَطَلَبْتَ الرِّزْقِ يَسَّرَ اللَّهُ لَكَ. Si tu te lèves, tu œuvres, tu agis, tu fais la cause et tu recherches la subsistance, Allah te la facilitera. الطيور والبهائم لا تبقى في أوكارها ومأواها. الطيور, les oiseaux والبهائم, les animaux, ne restent pas dans Al-Awkar, c'est les nids. Et le Ma'wa, donc, c'est les refuges aînés des animaux, là où les animaux, ils restent. بل تغدو خماصا وتروح بطانا. Au contraire, elles partent le matin ventre vide et elles reviennent le soir ventre plein. Comme c'est venu dans le hadith qui est dans le complément des 40 Nawawi, le complément de l'Hafid Abdurrahman ibn Rajab, rahimahullah, le hadith de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Tadhabu li talab al-rizq, falabudda min fi'li al-sabab. Donc, elles cherchent à se nourrir. Les animaux cherchent à se nourrir. Falabudda min fi'li al-sabab. فَالْهِدَايَةُ لَا تَحْصُلُ بِدُونِ السَّبَبِ. La guidée ne viendra pas sans faire la cause. وَالضَّلَالُ لَا يَحْصُلُ بِدُونِ السَّبَبِ مِنَ الْعَبْدِ لِيَنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا. Et l'égarement ne vient pas sans cause de la créature. Car Allah n'est injuste envers personne. فَالَّذِي يُرِيدُ الْخَيْرَ يُيَسِّرُهُ اللَّهُ لِلْخَيْرِ وَيَشْرَحُ صَدْرَهُ لَهُ. Celui qui veut le bien, Allah lui facilitera. Et il fera en sorte que cette chose-là lui soit facile. وَالَّذِي يُرِيدُ الشَّرَّ يُيَسِّرُهُ لَهُ لِلشَّرِّ يُيَسِّرُهُ اللَّهُ لِلشَّرِّ وَيُهَيِّئُهُ لَهُ جَزَاءً عَلَى مُيُولِهِ وَرَغْبَتِهِ. Conformément à al-muyul. Al-muyul, ça vient de l'mail, le fait de pencher vers quelque chose. Al-raghba, c'est le fait d'espérer en quelque chose, de vouloir quelque chose. فَلْيَتَفَطَّنِ الْعَبْدُ لِهَذَا الْأَمْرِ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ جِدًّا. Donc la personne, faut qu'elle soit attentif à cela. Car ceci est très précis, très clair. فَلَا بُدَّ مِنْ فِعْلِ الْأَسْبَابِ لِجَمِعِ الْأُمُورِ وَمِنْهَا الْإِيمَانِ وَالْهِدَايَةِ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. Donc, il faut impérativement faire les causes pour avoir ce que tu veux avoir. Et parmi ces choses-là, il y a l'Iman, la guidée, la droiture, le fait de rentrer au paradis ou en enfer. Elle a des causes qui viennent de la créature. Ensuite il dit فقوله ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام وتفضلا منه. Il a fait don après cela de l'islam à qui il veut par une grâce émanant de Dieu. نعم, il dit أي من الله على من يشاء بالإسلام تفضلا منه سبحانه, لكن التفضل من الله له سبب والحرمان له سبب من قبل العبد. Donc il dit Allah a accordé Al-Man, yani c'est la faveur. Une faveur de la part d'Allah, qu'il a guidé celui qui veut par sa grâce à l'islam. Mais cette grâce-là, elle a une cause. Wal-Hirman lahu sabab. Et le fait qu'il a empêché quelqu'un également, ça a une cause qui vient de la créature. Fala budda an yulahadha hadha wa la yahtajju al-insanu bil-qadr. Kalladina qalu sayakulu alladina ashraku. Law sha'a Allahu ma ashrakna wa la aba'una wa la harramna min shay'. Conformément, par exemple, à ceux qui ont dit, en Coran, surat 6, verset numéro 148, ceux qui ont associé diront à la résurrection, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. هذا احتجاج بالقدر كما احتج إبليس. Et ça, c'est le fait d'utiliser le destin en tant que qu'argument. Et c'est la voix du diable. Qala fa bima aghwaytani. Qala fa bima aghwaytani. Le diable, dans nombre de versets, parmi eux, en sourate 7, verset numéro 16, il dit puisque tu m'as mis en erreur. Aghwaytani min al-riwaya. Al-riwaya, c'est le contraire de al-hidaya. Ihtajja bil qadr wa nasiya annahu takabbara huwa an amri Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit puisque tu m'as induit ou tu m'as mis en erreur. Et il a oublié que c'est lui qui s'est enorgueilli sur l'ordre d'Allah. فَاللَّهُ أَغْوَاهُ بِسَبَبِ مَاذَا بِسَبَبِ أَنَّهُ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Allah l'a égaré. Pourquoi? Car il a refusé, il s'est enorgueilli et il faisait partie des kafirines. أَبَى أَنْ يَسْجُدْ. Il a refusé de se prosterner. كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَلَا حُجَّةَ لَهُ بِذَلِكَ. Donc il n'a pas d'argumentation à ce sujet. Al-hujjatu qa'imatun 'alayh, l'argument, il est contre lui. Yanna ma hasala 'alayhi min ash-shaqawa kana li sabab 'isyanihi. Car ce qu'il a, yani ma hasala 'alayhi min ash-shaqawa kana li sabab 'isyanihi. Yani ce qu'il a récolté, c'est suite à son acte qui vient de lui, qui est la désobéissance à Allah quand il lui a dit de se prosterner à Adam alayhi salam. الشقاوة سي الشقاوة ضد السعادة الشقوة والشقاوة سي المالور الشقي فمنهم شقي وسعيد en Sourate Hud. Il y en a qui seront bien heureux, il y en a qui seront malheureux, il y en a qui seront il y en a qui seront chaqi, malheureux, il y en a qui seront sa'id, bien heureux. Cette qadi a dit ihtijaj bil qadar min ahsan man sharahaha Cheikh Mohamed Saïd Raslan, dans les trois fondements, dans le passage de le hadith de Jibril alayhi salam sur al-qadar. Il a près de 10 minutes où il donne des exemples sur des gens qui disent, qui utilisent le destin en tant que, qu'argument, et il donne des exemples qui vont faire en sorte que quelqu'un qui est doté d'une raison, il va, il peut pas emprunter cette conviction. Parmi les exemples, est-ce qu'il a cité Cheikh? Tu ne peux pas vouloir des enfants sans te marier. Et si tu restes chez toi sans demander, sans rechercher un risque, la subsistance, elle ne va pas te parvenir, etc. Non. Fassal fiha tafsil. Il y a quelqu'un qui est doté de raison, même s'il a cette conviction, il revient à sa raison. Il va voir qu'il a, il a complètement tort d'utiliser ça. Parce qu'il y a énormément de gens qui disent que je ne fais pas la prière parce que Allah, il ne m'a pas guidé, je ne fais pas telle chose parce que Allah, il ne m'a pas prescrit, etc. Et ça, c'est une argumentation qui est fausse. Observez cela. Mulahadat, c'est les observations. Il faut être attentif à ce sujet-là. Notre vie, elle est déjà écrite. Non. Mais c'est à nous de faire les causes quand même. Non, c'est à toi de faire les causes et toi tu sais pas qu'est-ce qui t'a été écrit. Toi tu peux pas dire Allah il m'a écrit ça. Comment tu sais? Pourquoi tu vas pas, au lieu d'aller dans des endroits mauvais, pourquoi tu vas pas à la mosquée, tu dis Allah il m'a écrit que je vais aller à la mosquée. Allah il t'a ordonné des choses, il t'a interdit des choses, il t'a laissé une volonté. Il t'a dit ce chemin il emmène vers là et ce chemin il emmène vers là. Le Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dans Fatawa al-Aqidah il dit, si tu exposes à une personne deux chemins, un chemin qui emmène à la Mecque et un autre chemin qui emmène à la Mecque. Le premier, il est très compliqué et très dur. Il y a des hufar, il y a des trous, il y en a dans le chemin. Il y a des animaux sauvages. Il y a énormément de problèmes pour les gens qui empruntent ce chemin. Il y a un autre chemin qui est court, qui est rapide et qui est, il n'y a pas toutes ces choses-là. Il dit, si une personne a choisi le mauvais chemin, tu peux considérer qu'elle est folle. Ça veut dire qu'il est excusé, cette personne. Elle n'a pas d'obligation. Il n'y a pas de salat sur lui, il n'y a pas de siyam. Il y a pas... Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la raison. Toute personne sensée, elle va prendre le bon chemin. Donc pareil, Allah il t'a tracé un chemin, il t'a dit ça s'emmène au paradis. Il t'a tracé un chemin, il t'a dit ça emmène à l'enfer. Il t'a dit il y a un diable qui est là et qui va essayer de il va t'écarter du sentier d'Allah. Il y a des êtres humains qui vont faire la même chose. Ton âme c'est un ennemi en toi-même qui va te, t'insuffler des choses mauvaises. Il y a Qarin, il y a un diable il y en a qui est avec toi qui t'insuffle des mauvaises choses. Il t'a tout expliqué. Il t'a dit ça s'emmène vers là, ça s'emmène vers là. Tu es hur, tu es libre. Tu es libre, pas religieusement, mais tu es libre universellement. Universellement, il te laisse le choix. Et religieusement, il t'a ordonné, fais ça et ne fais pas ça. Après, c'est toi, tu te soumets. C'est bien, si tu ne te soumets pas, c'est ton problème. Hein? Allahu alam. Quelqu'un a une question là-dessus? Ou il veut rajouter quelque chose? J'ai entendu une question. Par exemple, quelqu'un qui s'excuse, genre, si tu le frappes, tu veux dire, j'en ai pas l'air. Non. Mais c'est parmi les points qu'il a cité, Cheikh Raslan, dans le sautit, les trois fondements. Tu le frappes, tu lui dis c'était le destin, il ne va pas accepter. Tu lui dis c'est le destin qui a fait que je t'ai frappé, c'est pas moi qui. C'était prédestiné. À l'époque, il y a un voleur, il a volé. Et il a dit ouais, mais c'est Mouktab si j'ai volé. Non. Et j'espère couper la main. Et ils m'ont dit bah, c'est Mouktab qu'on te coupe la main. Adam Arwa'an Omar, le Cheikh Ibn Uthaymeen dans le Wasatiyya, il dit Allahu alam, est-ce que le récit est vrai ou pas? Et Cheikh Raslan, il l'a cité dans les points que je vous disais avant. Il a cité ça, il l'a attribué à Omar sans laisser subsister le doute. Comme quoi, il a dit Ya Amir al-Mu'minin, innama saraqtu bi qadarillah. Prince des croyants, j'ai volé par prédestination d'Allah. Il lui a dit on va te couper la main par prédestination d'Allah. Tout simplement. نعم نقف عند هذا الحد ونسأل الله إن شاء الله في نغاس مخشن هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.